Alors, nous sommes tout près de célébrer la fête de la Nativité, où en fait on célèbre le mystère de l'incarnation. C'est un grand mot, hein, l'incarnation. Donc, incarnation, ça veut dire dans la chair. Dieu a voulu venir dans notre chair. Mais pourquoi venir dans notre chair? Pourquoi Dieu, immatériel, prend cette peine de venir nous visiter et prendre un corps humain? Eh bien, cette année qui nous est donnée, vous savez, on est dans une année spéciale, c'est l'année saint, une année de jubilé, une année sur la miséricorde. Et le pape François dit que Jésus est venu prendre chair pour rendre visible et tangible l'amour miséricordieux du Seigneur. Parce que sinon, cet amour-là peut-être nous semblerait trop abstrait, trop vague. Mais pour être certain qu'on comprenne quel est le vrai visage de Dieu, eh bien, il a pris un visage humain, il a pris notre chair. La deuxième lecture de l'Épître aux Hébreux disait, tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as fait un corps. Tu ne voulais pas d'holocauste pour la rémission des péchés. Alors j'ai dit, voici mon Dieu, je suis venu pour faire ta volonté. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà regardé dans le miroir. Oui. Pour plusieurs. Peut-être même ce soir avant de venir. Notre corps, il sert à quoi? Est-ce qu'il sert juste à être beau et belle? Bien sûr, oui, ce que Dieu fait est beau. La créature de Dieu est belle. Mais il y a toutes sortes de membres à notre corps. Qu'est-ce que Dieu veut? Le texte dit, « Seigneur, tu m'as fait un corps pour que je fasse ta volonté. » Mais quelle est la volonté de Dieu sur mon corps? Est-ce que mon corps est juste biologique? Non, mon corps est aussi théologique. Dans mon corps, il y a un projet de Dieu. Par exemple, mon pied. Il est fait pour quoi? Ce matin, j'ai posé la question à des enfants et un m'a répondu « pour jouer au ballon ». Et je pense que c'est un peu vrai que Dieu a aussi fait les pieds pour jouer au ballon, au soccer. Quelqu'un d'autre a répondu, j'ai posé la question « qu'est-ce qu'on peut faire avec les pieds ?» Quelqu'un a répondu « on peut donner des coups de pied ». Et c'est vrai, on peut donner des coups de pied à quelqu'un. Est-ce que pour ça que Dieu a fait mon pied, pour donner des coups de pied. La Vierge Marie, dans l'Évangile, nous montre un autre usage de ses pieds. En ces jours-là, tout de suite après qu'elle a eu l'annonce qu'elle était enceinte, qu'elle serait enceinte du Fils de Dieu, et que sa cousine Élisabeth, qui avait longtemps désiré un enfant, mais qui n'avait pas réussi, qui était rendue âgée, qu'elle, à son tour, elle-même était enceinte, qu'elle avait la joie de porter cet enfant, eh bien, tout de suite, ce qu'elle a fait, elle a utilisé ses pieds et elle s'est empressée de parcourir des kilomètres et des kilomètres pour aller assister sa cousine qui était déjà rendue à son 6e mois de grossesse. Dieu nous a donné des pieds pour aller visiter ceux qui ont besoin de nous et pour aller même rencontrer d'autres pour partager la joie que j'ai reçue. Cette semaine, j'ai utilisé mes pieds pour ça. Jeudi soir, j'ai été faire des visites à des personnes âgées. Au début, ça nous coûte un petit peu. J'ai plein de choses dans mon agenda. Je dis, oh, Seigneur, bon, allez, je me décide. Mes pieds, allez. J'ai fait une commande pour mes pieds. Direction rue Mirand, direction rue Rochette. On va visiter des personnes. Je ne sais pas comment j'ai eu de la joie jeudi soir. L'une des premières personnes que j'ai rencontrées avait 102 ans. Madame, bien énergique, à demi-sourde, avec sa marchette, tout seul dans son appartement, sur Mirand. Très étonnant. Mais rayonnante de joie. Je ne sais pas combien de fois elle m'a répété dans la demi-heure que j'ai été là, « Je suis heureuse, je suis heureuse, vous ne savez pas comment je suis heureuse. » Pourtant, elle a de la misère à se déplacer, à demi-sourde, un peu de visite, mais vraiment pas tant que ça non plus. Elle aurait toutes sortes de raisons, et bon, son histoire n'a pas été simple non plus. Elle aurait toutes sortes de raisons d'être triste. Puis pour être certain que j'ai bien compris, elle m'a dit à la fin, « Vous savez, là, mon père, je suis la femme la plus heureuse de la ville de Québec et de toutes. » Je me suis dit, « Wow! Merci Seigneur d'avoir utilisé mes pieds ce soir pour aller visiter cette dame. » J'ai été pour, évidemment, faire une petite visite pastorale, mais au fond, j'ai reçu beaucoup moi-même. Et puis, j'ai été en visiter une autre. On a pu prier ensemble, et puis une autre. Une question vous est posée dans le temps des fêtes. À quoi utiliserez-vous vos pieds? Peut-être pour faire du sport. Je vous souhaite de la neige, ceux qui, comme moi, aiment les sports d'hiver. On l'attend, cette neige, pour aller faire de la raquette, du patin, du ski, du canot à glace, sinon à l'eau. Utilisons nos pieds, oui, pour des loisirs, mais aussi nos pieds pour la charité. L'Évangile nous parle aussi, vous savez, on a d'autres, moi je pourrais passer tous les membres, mais je n'ai pas le temps, là. Abordons la bouche, la langue. Ça sert à toutes sortes de choses, hein? Bon. La bouche, d'abord, c'est pour manger. On peut s'embrasser, évidemment. Mais aussi, avec la bouche, on peut parler. Une question nous est posée. Ma langue sert à prononcer quelle sorte de paroles? Est-ce que c'est des paroles d'encouragement, de consolation, de vérité? Ou est-ce que ma langue est un petit peu, parfois un petit peu tournée et se met beaucoup à picosser un petit peu ce qu'un tel, une telle a fait, mais pas en sa présence. En sa présence, c'est un beau sourire. Mais derrière, as-tu vu ce qu'un tel a fait? Ça n'a pas de bon sens. Oh, terrible. Ou parfois, c'est bien ouvertement, mais des gros éclats. On crie. On descend la personne. L'Évangile nous présente Élisabeth, celle qu'a été visitée Marie. Elle a utilisé sa bouche, mais elle a crié elle aussi, mais elle a crié de joie. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ?» car lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse au moi. Même son corps, même son corps de maman, de jeune maman, elle était même son enfant, a tressailli de joie. Dieu veut que tout notre être veut que notre vie soit pour le bien et pour la joie. Frères et sœurs, encore une fois, Noël approche à grands pas. Demandons à Dieu de préparer notre cœur et notre corps pour le recevoir. Le pape François a un grand désigné de la miséricorde. C'est d'une part qu'on fasse nous-mêmes l'expérience d'être aimés malgré nos bêtises, parce que des fois, vraiment, on fait des bêtises. Mais merci Seigneur, il choisit de nous aimer quand même et de nous remettre debout. Saint Irénée, un des pères de l'Église, disait la gloire de Dieu, c'est l'homme debout. Dieu veut nous remettre debout, et il le fait par son amour, par sa miséricorde. Je vous souhaite deux choses. Souvent, je donne des petits défis, là, mais écoutez bien. Je vous souhaite deux défis cette semaine. Je vous propose deux défis. Premièrement, d'expérimenter la miséricorde de Dieu. Faire l'expérience d'être aimé, même si vous ne le méritez pas. Encore une fois, son amour, il est gratis. Mais je dois juste l'accueillir. Son amour me remet sur les pattes. Pour l'expérimenter, je vous invite à prier, évidemment, prendre des temps hier. Si je reconnais que j'ai fait des bêtises, mais demandons pardon. Vous savez qu'ici, dans cette paroisse, avant chaque messe des jeunes, il y a un prêtre à partir de 18h. Et ce soir, pour se préparer à Noël, pour être certain que tous aient l'occasion de faire cette expérience-là, il y a plus de prêtres encore, il y en a qui sont là, mais il y en aura même après la messe, exceptionnellement, pour que tous puissent faire cette expérience d'être aimé gratuitement, sans le mériter. Premier défi, je vous souhaite de faire cette expérience-là. Décider de la vivre, peut-être de décider de vivre la démarche du pardon avec un prêtre qui va nous aider à accueillir cet amour-là gratuit. Deuxième défi, vous-même devenir un visage de la miséricorde de Dieu pour le monde. Jésus, il est remonté vers le Père. Ceux qui l'ont côtoyé, super, ont vu le miséricorde de Dieu. Mais Jésus est remonté. Donc, comment les autres verront le visage de la miséricorde de Dieu si Jésus-Christ est monté? Eh bien, ce sera à travers tous les autres chrétiens, tous ceux qui sont marqués de la même onction, du même Esprit-Saint. Dieu vous a baptisé pour que vous soyez des visages de la miséricorde de Dieu. Donc, le deuxième défi, c'est d'aller vers les autres, d'utiliser vos membres, votre corps, vos pieds pour aller visiter peut-être un malade, un ami, une personne âgée, votre bouche pour dire du bien, vos mains peut-être pour préparer à manger, pour faire une belle fête, parce que donner la joie, c'est aussi une œuvre de miséricorde. Bref, le deuxième défi, c'est de trouver quelque chose cette semaine, d'utiliser votre corps pour être un reflet de la miséricorde du Père. Oui, Seigneur, on se tourne vers toi ce soir. Merci de nous aimer gratuitement. Merci de cet amour que souvent je ne mérite plus, mais que tu mets encore là devant ma porte pour me relever. Donne-moi de saisir cet amour ce soir, Seigneur. Donne-moi aussi d'être reflet de cet amour pour notre temps. Et donne-moi toujours plus ton Esprit Saint, parce que sans toi, je suis capable de rien. Envoie ton esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. Envoie ton esprit,